fal mangi talibé, de fal ndawni talibé, talibé, bolen de fe talibé, ñu mëna doni talibé, ñu woro wo ci de mangi talibé, de fal ndawni talibé, talibé. Defal rew mi talibé.